الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بأنه اصطفى بعض الناس زكاهم ورضي عنهم وعلى رأسهم الأنبياء والرسل ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تجدون الناس معادن خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث رواه البخاري ومن هؤلاء السابقين ومن هؤلاء الأولين ومن هؤلاء الأخيار عثمان ابن عفان رضي الله عنه سيرته درس وموعظة أخلاقه تربية ومدرسة وعثمان ابن عفان يلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع في عبد مناف وله صلة أيضا من جهة الأم كنيته أبو عمرو ولما أنجبت زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلام عبد الله اسمه عبد الله كني به بعد ذلك أي بأبي عبد الله وهذا الولد مات وله من العمر 6 سنوات لقبه ذو النورين لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم تزوج رقية ثم مرضت وماتت رضي الله عنها فتزوج أم كلثوم إذن أكرمه الله سبحانه وتعالى بصلة مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب وفي المساهرة ولد بعد عام الفيل 6 سنوات فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن أكبر منه كان تاجرا كبيرا وورث من مال أبيه وسخر ماله في خدمة دين الإسلام ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم نشا في مكارم الأخلاق خلافا لأهل الجاهلية فكان محبوبا في قومه أسلم مبكرا بعد دعوة أبي بكر رضي الله عنه له قيل من الخمسة الأول الذين أسلموا قال عن نفسي إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل علي الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به حتى قال رضي الله عنه بايعته والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله رواه البخاري ولما أسلم أوذي في سبيل الله أوذي في سبيل الله عذبه عمه الحكم بن أبي العاص ذكر ابن سعد في الطبقات أنه ربطه وأمره بالكفر بوحدانية الله وأمره بترك دين محمد صلى الله عليه وسلم وهدده بالقتل فأجاب عثمان رضي الله عنه بجواب الثابتين على دين الله رب العالمين بجواب المخلصين الصادقين فقال والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه فلما رأى عمه صلابته في دينه تركه ومن مناقبه رضي الله عنه أنه من أول من كتب الوحي بين يدي رسول الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت أنه قال أنه أول من كتب المفصل عثمان إمام في الكرم إمام في الكرم وفي الإنفاق في سبيل الله كان بئر رومة لرجل يبيع الماء ويضيق على المسلمين فندب النبي صلى الله عليه وسلم على شراء البئر فاشتراه عثمان رضي الله عنه ب35,000 رواه الترمذي وهو الذي جهز جيش العسرة في غزوة تابوك بمئات من الإبل ومال كثير وهو الذي اشترى أرضا لتوسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل ذلك وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو بخير مما أنفق في الجنة أو قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم كما ثبت عند أحمد عثمان ابن عفان رضي الله عنه إذن من المبشرين بالجنة جاء عثمان يستأذن الدخول عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم له فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله عنه رواه البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سعد أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم سعد أحد ومعه أبو بكر ومعه أبو بكر عمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت يا أحد وإنما عليك نبي وصديق وشاهدان رواه البخاري عثمان صاحب الهجرتين لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الهجرة على الهجرة الأولى إلى الحبشة بادر عثمان رضي الله عنه إليها بادر عثمان رضي الله عنه بالهجرة إليها مع زوجته رقية وهذا حصل مرتان ثم هاجر إلى المدينة كان من أكثر الناس صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه يحضر مدارس يتعلم منه وتفقه في دينه حفظ القرآن وعلمه وهو راوي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه فكانت منزلته عند الصحابة عالية يرونه خير الناس بعد أبي بكر وعمر كما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح عثمان وزير النبي صلى الله عليه وسلم لقريش لأهل مكة ووكيله بالمدينة إذا سافر وفي بيعة الرضوان أظهر النبي صلى الله عليه وسلم علو منزلة عثمان فبايع الناس النبي صلى الله عليه وسلم وضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده بالأخرى وقال هذه لعثمان رضي الله عنه عثمان صاحب الاتباع، صاحب التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما منعت قريش دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة للعمرة أو للطواف، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهم عثمانا، وجاءهم برسالة وأخبرهم أنه لم يأتي للحرب، بل إنما جاء معظما للبيت وليطوف بها. فمنعتهم قريش، ثم قالوا لعثمان: طوف أنت إن شئت. فقال عثمان جوابا عظيما، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف بها، حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره ابن هشام في السيرة. سبحان الله، انظروا ثبات عثمان أمامهم، وكيف تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكره أن يسبقه إلى عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها مشروعة. فلتكن كذلك أيها المسلم، إياك أن تتقدم على فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فتسير متبعا للهوى والعياذ بالله. عثمان كان من أشبه الناس خلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص في خلق الحياء، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه بهذه الخصلة، وقال: ألا أستحي من رجل استحيا منه الملائكة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا صحابة رسول الله كلهم أجمعين، وأن يثبتنا وإياكم على صراطهم المستقيم، والحمد لله. Les frères, essayez d'avancer au maximum, car comme vous voyez, il pleut et il y a des gens dehors, aux portes. Avancez au maximum, barakallahu fikum. Et celui qui facilita son frère, Allah lui facilitera. Alhamdulillahi rabbil alamin, rafa'a dhikla al-awwalin, as-sabiqin, ila dinillahi rabbil alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa sallam. أما بعد، الله سبحانه وتعالى dans son livre a élevé certaines personnes, a choisi certaines personnes et a cité son agrément qu'il était satisfait de certaines personnes, et à la tête de ces gens les prophètes et les messagers, puis les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a informé qu'il a été satisfait d'eux, que ce soit les premiers musulmans, les habitants de la Mecque, ou les auxiliaires, les Ansar, les habitants de Médine. Il nous dit qu'il est satisfait d'eux et qu'il leur a préparé des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: vous verrez que les gens sont stables. Les meilleurs d'entre eux dans la période anti-islamique seront les meilleurs dans l'islam s'ils apprennent leur religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la meilleure époque et la mienne, où les gens les plus pieux sont ceux de mon époque, puis l'époque qui viendra après, puis celle qui viendra après. Et parmi ces gens qu'Allah a élevés et a préférés à d'autres, et dont il a montré sa satisfaction, il y a un grand homme qui se nomme Uthman ibn Affan. Uthman radiallahu anhu est le troisième meilleur des compagnons. C'est le troisième meilleur des hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu nous dit: le meilleur compagnon est Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, et ensuite on le faisait devant ces personnes sur un autre compagnon. Uthman radiallahu anhu, celui qui lit son histoire trouvera de nombreuses leçons. Une moralité imminente et de noble caractère. Osman radiallahu anhu a un point commun dans sa lignée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rapproché encore plus de lui en le faisant épouser sa fille Ruqayya. Et lorsque celle-ci tomba malade radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit à la bataille de Badr et a dit à Othman de s'occuper d'elle. Mais Allah en a décidé autrement, il a repris son âme radiallahu anha. Wa huwa al-alim al-hakim. Lorsqu'elle décéda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui maria son autre fille, Umm Kalthoum radiallahu anha. Il a donc eu un lien très proche avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa cunia est Abu Amr, et lorsqu'il a eu un enfant de Ruqayya qui s'appelle Abdullah, et celui-ci est décédé à l'âge de 6 ans, sa cunia est devenue Abu Abdillah. Son surnom est Dhu Nurayn, l'homme de lumière, car il s'est marié, c'est un des seuls, ou le seul, comme cela a été cité, qui s'est marié avec deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une après l'autre, bien sûr. Alors Allah l'a honoré de cette proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père était un grand commerçant. Et lorsqu'il est décédé, il lui a légué une grande somme d'argent. Othman en a fait de même, il a commercé. Il a fait du commerce, était très habile dans cette science. Et il a utilisé son argent, fi sabilillah. Il a utilisé son argent au service de l'islam. Il fait partie des premiers à s'être converti à l'islam après que Abu Bakr l'ait appelé à cela. Et comme il le dit lui-même, j'ai répondu à l'appel d'Allah et de son messager. Et j'ai cru et certifié toutes les informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne lui ai jamais désobéi, ni je l'ai trompé, jusqu'à ce qu'Allah reprit son âme. Et lorsque Othman s'est converti à l'islam, les gens lui ont fait du mal. Son oncle, Al-Hakam, l'a torturé, l'a attaché et lui a dit « Je ne te détacherai pas tant que tu ne sortiras pas de la religion de Mohammed. » Savez-vous ce qu'a répondu Othman radiallahu anhu? Lorsque la foi a pénétré son cœur et s'est installée fermement, il a répondu avec la réponse des véridiques. Il a dit par Allah, je ne délaisserai jamais sa religion et jamais je ne m'en séparerai. Lorsque son oncle a vu sa fermeté dans sa religion, il l'a délaissé et l'a libéré. Othman radiallahu anhu fait partie des premiers à avoir écrit le Coran de sa main. Le Coran a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il disait « Othman, écris cela, cela m'a été révélé par Allah. » Et Othman écrivait donc le Coran. Et c'est le premier qui a écrit la partie mufassal du Coran, celle qui commence à partir de surat Qaf jusqu'en bas. Othman radiallahu anhu était un exemple dans la générosité et dans le fait de mettre ses biens et son argent au service d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa religion. Il y avait un puits qui se nomme le puits de Roma, qui appartenait à un homme. Et cet homme-là empêchait les gens de boire de cette eau. Et il disait, celui qui veut boire de mon eau, qu'il me donne telle somme d'argent. Alors cela était difficile pour les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui va acheter le puits de Roma? Et Allah lui remplacera par meilleur au paradis. Alors Othman est venu avec une grande somme d'argent, avec 35 000 dinars ou dirhams, et il a acheté le puits de Roma. Et l'a donné fi sabilillah afin que les musulmans puissent boire. Othman radiallahu anhu est celui qui a équipé l'armée à la bataille de Tabouk, qu'on a surnommé Jaysh al-Usra. Les musulmans étaient dans la gêne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donc encouragés à dépenser de leurs biens pour armer les musulmans contre leurs ennemis. Othman radiallahu anhu est venu avec 100 chameaux et de l'argent. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a encore encouragés à dépenser de leurs biens fi sabilillah. Alors Othman a ramené encore une centaine et cela s'est passé encore une autre fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après cela, plus rien ne nuira à Othman après ce qu'il a fait aujourd'hui. Othman a reçu la bonne nouvelle du paradis plusieurs fois de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il est venu frapper chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y avait comme portier Abu Moussa. Il est donc parti demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission d'entrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Abu Moussa, idhanna, donne-lui la permission d'entrer et annonce-lui la bonne nouvelle qu'il fait partie des habitants du paradis. Après un malheur qui le touchera. Après un malheur qui le touchera. Alors Othman s'est réjoui de la bonne nouvelle et a cherché refuge auprès d'Allah contre ce malheur. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la montagne de Uhud avec Abu Bakr, Omar et Othman. La montagne s'est mise à trembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tranquillise-toi ô Uhud. Il a parlé à la montagne et lui a dit, tu n'as sur toi qu'un prophète, un véridique et deux martyrs. Et les deux martyrs sont Omar et Othman radiallahu anhuma. Othman fait partie des gens qui ont fait la toute première hijra al-Habasha en Éthiopie. Et cela s'est réalisé deux fois et il est parti avec son épouse Ruqayya, donc la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus tard, il a fait l'hijra à Médine, la grande hijra, la grande hijra. Il fait partie des gens qui étaient le plus souvent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était proche de lui, assistait à ses assises, apprenait sa religion de lui. Il fait partie de ceux qui ont mémorisé le Coran entièrement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa place était immense auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi les compagnons. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire le petit pèlerinage, les habitants de la Mecque l'en ont empêché. Lui ainsi que les compagnons. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Othman pour leur parler et leur dire qu'il n'est pas venu pour les combattre, mais pour adorer Allah azza wa jal et faire le tawaf. Les habitants de Quraysh ont refusé cela. Ont refusé et ont dit à Othman, si tu veux toi, fais le tawaf. Mais eux, il n'en est pas question. Alors Othman a répondu une parole qui nous montre combien il donnait de l'importance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et combien il détestait l'innovation, et combien il détestait devancer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la moindre chose. Il leur a répondu, il ne me convient pas de faire une action avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la fasse. Ensuite une rumeur a circulé, et elle disait que Othman a été fait prisonnier, et qu'ils l'ont tué. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni les compagnons afin qu'ils lui prêtent le serment d'allégeance, chose qu'ils ont fait. Et arrivé autour de Othman, qui était donc absent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa main et a tapé dans l'autre main et a dit « Celle-ci est la main de Othman. Celle-ci est la main de Othman. » Et la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mieux pour Othman que la sienne. Il a donc prêté allégeance pour Othman radiallahu anhu. Et ils disent que celui qui ressemblait le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement était Othman. Il avait une grande pudeur. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, comment je pourrais ne pas avoir de la pudeur envers un homme dont les anges ont de la pudeur? Les anges avaient de la pudeur à l'égard de Othman radiallahu anhu. Et parmi ses plus grands mérites, il y a le fait qu'il a réuni le Coran dans un seul livre, sous une même écriture. Et tous les masahif que vous voyez sont écrits à la rasm al-Uthmani radiallahu anhu. Ceci car il a eu peur de la division. Il a eu peur de la division et de la divergence au sein des musulmans. Alors il a réuni le Coran dans un seul livre. Parmi les qualités de Uthman radiallahu anhu, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de revenir à sa voix lors des troubles dans la communauté en nous disant alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Cramponnez-vous à ma tradition ainsi qu'à celle des califes bien guidés. Et le troisième calife de l'islam est Othman ibn Affan radiallahu anhu. Parmi ses qualités, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa mort, était satisfait de 6 personnes. Et parmi ces 6, il y avait Othman, radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait énormément. aimait discuter avec lui et le rapprocher. Et lorsqu'il était malade, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Waditu law kana indi ba'du ashabi, j'aurais tant aimé qu'il y ait auprès de moi certains de mes compagnons. Alors les compagnons ont dit: Ya Rasulallah, awala nad'uka Abu Bakr, veux-tu qu'on t'appelle Abu Bakr et qu'il vienne auprès de toi? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Ensuite ils ont dit: Ya Rasulallah, veux-tu qu'on t'appelle Omar afin qu'il soit en toi compagnie? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Il n'a pas répondu. C'est alors qu'ils lui ont dit: veux-tu qu'on t'appelle Uthman afin qu'il te tienne compagnie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Subhanallah. Devant Omar et devant Abu Bakr, qui sont les meilleurs de la communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là a préféré la compagnie de Uthman radiallahu anhu. Tout cela nous montre la grande place qu'avait Uthman radiallahu anhu, ce calife bien guidé dans l'islam, et la place qu'il doit donc avoir dans le cœur des musulmans, la place qu'il doit avoir dans le cœur des musulmans. Il est mort martyr, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait signalé lorsqu'il lui avait promis l'entrée au paradis. Il a été assassiné injustement, et ce jour-là il était en état de jeûne. Il avait le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, entre ses mains. Et il y a une secte parmi les musulmans, les chiites, qui prétendent que Ali radiallahu anhu est meilleur que Uthman et qu'il méritait plus le califat que Uthman. Toute personne qui dit cela aura manqué de respect aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils sont tous tombés d'accord pour dire que le plus en droit au califat était Uthman radiallahu anhu, puis ensuite Ali radiallahu anhu, et celui celui qui prétend que Uthman est mieux que Ali, après que le consensus des savants parmi les anciens soit avéré, devient innovateur dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الإبراهيم، قامت الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. استوت راسه، هاد بين المناكب والأقدام، وسد الخلل المصطفى الأول فالأول، وقارب بين الصفوف. وسر الإيران. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر،